Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de décembre du Comptoir du Cercle. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de fin d'année. Aujourd'hui, on est avec l'équipe au complet. Ça y est, nous sommes de retour après plusieurs mois de disette. Nous avons donc d'un côté Kilvan, Hello. Mei Salut. et le Père Chopi. Merry Christmas! Voilà. Comme diraient les Japonais. Voilà nos amis asiatiques. Ouais, en roue libre dès le début, tout va bien. Ouais, tout va. Exactement. Ça va, tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, eh ben, comme on est dans le mois où on arrive, ça y est, j'ai vu les reportages sur les marchés de Noël, sur les calendriers de l'Avent, tout ça. Donc nous aussi, on va vous proposer des petites idées pour vous faire plaisir à Noël. Et on va faire ça. Alors moi, je crois que j'avais parlé de faire un manga, un film et un jeu vidéo chacun. Moi, j'ai rajouté un livre. Alors je sais plus si on en avait parlé ou pas, mais je sais que on a pas mal d'illettrés dans l'équipe. Donc on passera peut-être sur le livre. Donc, alors, c'est ça le sujet. Putain, mais vous répondez même pas à mes blagues, c'est un peu triste, quoi. Enfin, c'est pas grave. Non, Bah, parce non, parce qu'en fait, que j'ai dit le faire maintenant. Bon, Non, je rigole, je rigole. allez, non, Non, voilà. j'ai pas, effectivement, j'avais pas, on n'avait pas dit de livre, mais c'est bien, on peut Voilà, mais commencer. pourquoi pas? Moi, je pense à ça. C'est tout aussi bien. Donc, on va se faire un petit tour de table tranquillement dans cette première partie, hein, et puis, on va, comme je le disais, on va vous proposer un manga, un film et puis un jeu vidéo que vous aimez, que vous avez envie de partager, qui serait bon à offrir. C'est ça aussi, c'est l'idée de partager un truc qu'on aime bien et qui éventuellement pourrait vous plaire. Donc on va se faire un petit tour de table et puis on va en discuter tranquillement entre membres du comptoir. Alors on va commencer bah, par les femmes, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On va commencer par... Oula, d'accord, ça a l'air d'être préparé. Super. La meuf, elle a rien, c'est pas grave. Alors, du coup, May, quelles sont tes idées pour ce mois de décembre? De quoi... Est-ce que tu as quelque chose? Parce que si t'as rien, on passe ton tour. Semaine prochaine, c'était une bénédiction. Un peu de sérieux, il faut quand même tenir la baraque, on se détend les gars. Ouais, quand même, c'est la fin de l'année, mais quand même. Du coup, May. Pardon, excusez-moi. Non, je m'attendais pas à passer tout de suite, Ah d'accord, mais parce que t'es en train oui. de faire tes recherches. Ok, bon, on peut passer... Non, non, non, Non? C'est non, c'est bon? pas ça. Enfin, de base, de toute manière, je suis une bille pour choisir des cadeaux pour les propres membres de ma famille. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais voilà. Sinon, non, en termes de jeux à offrir, moi j'avais pensé en fait pour la personne qui commencerait un peu et tout, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et que j'ai bien aimé et que je trouve que pour démarrer sur un truc de jeu, il y a Zelda Link Between Worlds. Moi j'ai bien aimé. Et Oui. je trouve que pour commencer, si tu connais pas la série des Zelda, si tu as envie de faire un cadeau à ton petit neveu qui commence à jouer aux jeux vidéo et tout, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce qu'il a une difficulté qui est progressive. Ouais, très Tu très bon vois? choix. Donc voilà. Ouais, vous l'avez fait les gars, vous, C'est Link un. Between Worlds ou pas? Oui. Ah, Day One pour moi. Ah bah voilà, on se Oui, reconnaît entre les mêmes. je l'ai trouvé Ah très bah. bien, mais un peu court. Je me rappelle. Bon, moi non, je l'avais trouvé dans la norme. Mais c'est vrai que franchement, je l'ai trouvé fantastique hein, ce jeu. Parce que moi, je me suis arrêté bah, à Zelda 3 sur Super NES. Après, j'en ai plus fait, sauf les épisodes Game Boy. Et c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment l'ambiance qu'il y avait dans Zelda 3, même si les Ouais, graphismes sont en t'avais le côté 3D. nostalgique et nouveau jeu en même temps, Ah quoi. ouais, grave. C'est ça. J'ai vraiment été servi vite sur Ouais, ce c'est jeu. un. Pour ce type de public, c'est vraiment un bon jeu, c'est sûr. Ce que je pense qu'il ne doit plus coûter très cher, non? Enfin, je sais pas, Non, je pense pas. il doit savoir une Non, trentaine pas d'euros à tout une péter, trentaine quoi. d'euros, ouais. Ouais, Il va voilà. avoir Ouais, donc facilement ça, une c'est trentaine d'euros. sympa, ouais. Excellent. En plus, c'est vrai que le jeu est quand même intergénérationnel, quoi. Je veux dire, tu peux y retrouver. Nous, on y retrouve de la nostalgie, mais le jeu est quand même très très bon en lui-même. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a pas, enfin, la courbe de difficulté est quand même vachement vachement bien étudiée, je trouve. Il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de moments où j'ai lutté, mais il faut quand même. Enfin, voilà, le jeu divisé entre la joie de suivre l'histoire et puis quand même quelques petits puzzles et tout qui sont bien sympas. Vraiment, c'est pas. C'était quoi l'autre épisode sur Game Boy Advance là qui était. Il y avait des peu. Oracle of Ages et Oracle of Non, non, Seasons. non, non, non, pas Non, celui-là, non, pas Game le Boy Color. Ah oui, voilà, Minish Minish Cap. Cap, ouais. Cap. Il y avait des trucs qui étaient trop faciles et d'autres beaucoup trop durs. C'était vraiment mal dosé. Ah oui, sur GBA, c'était Minish Cap, t'as Ouais. raison. Et là, celui-là, non, il est Celui-là, ouais, parfait. il est bien équilibré. Moi, j'ai Ouais, bien grave. aimé. Je Vraiment trouve. super. Qu'est-ce que t'as d'autre dans ta liste de Noël, maman Ma Noël? liste. Bah, moi, après, je vais vraiment parler du vieux truc. Parce qu'en termes de manga, Ah ouais, non, je suis mais c'est pas forcément des pas. nouveautés, hein. Ouais, bah c'est ça, parce que je suis pas du tout à la page. Et en fait, quand je vois les gens maintenant qui jurent que par Dragon Ball, One Piece, tout ça, Naruto, en termes de trucs de shonen, quoi, ça me fait du mal parce qu'il y a personne qui pensait à Dragon Quest, alors que Dragon Quest, c'est une putain de bonne série, quoi. Ouais, alors là, on est d'accord. Alors par contre, c'est Ah bah, laquelle? mon pseudo vient de là, donc. On est foutu, hein, les gars. Ouais, oui, le dieu de la mort, bien évidemment. Ah, exactement. Exactement. Ouais. Alors, ouais, ils ont sorti. Donc, ouais, là, on parle de Fly, hein, pour les anciens. Voilà. Dragon Quest, la quête de Dai, De Daï. qui est vraiment. Alors, pour moi, c'est. En fait, ce que j'ai, c'est vraiment le manga transposé du jeu vidéo, quoi. Je veux dire, quand tu lis le manga, t'as l'impression que tu vois les combats, tu vois l'XP des. Les persos, ils apprennent des nouveaux sorts, ils vont dans les magasins Ouais. pour acheter des potions, pour acheter des nouvelles armures. Enfin, c'est vraiment le jeu de Il est. rôle transposé en manga, quoi. C'est totalement réussi. Alors, ouais, bon, de toute façon, Fly, pour les gens comme nous qui ont entre 25 et 40 ans, ça reste un manga. Enfin, moi, je me suis refait il n'y a pas longtemps parce qu'il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Mais c'est fantastique. Enfin, même aujourd'hui, c'est fantastique. Il Vraiment. a absolument pas pris une ride ce manga, Ah ouais, non, ça. non, c'est fou. Ouais. Et surtout que bon, j'imagine que, enfin, en plus, vu que May le recommande, en plus, il y a eu une réédition qui a été faite par. C'est Kana qui l'a fait, non? C'est les Ouais, je petits, là. crois. Sous le nom de la Ouais, quête je de Dai? crois. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'est. Ouais. C'est Kana, ouais. Et en fait, bon, déjà, Kana, c'est pratique, c'est pas super encombrant comme manga, ils sont assez fins. Mais surtout, ils ont eu le droit à refaire un peu une partie de la traduction et à rendre plus nettes les planches. Ah oui, c'est Ouais, vrai, parce que oui. c'est ça qui a apporté un plus aussi parce que enfin l'édition d'avant, c'était pas trop ça quoi. Ouais, moi j'ai l'édition d'avant, j'ai l'édition donc l'édition J'ai que j'ai lu. lu, J'ai lu, ouais. J'ai j'ai lu, ouais. lu. Et bon, il y avait, bah c'était en roue libre quand même parce qu'il y a quand même des bulles où quand le mec sait pas, il met il entre parenthèses elle. Oui, c'est Dans vrai. certaines phrases de trucs, enfin, et ça, ouais, c'est un peu en roue libre, et ils Notamment l'ont pour vachement. Havane, ouais. La version Dragon Quest, la quête de Dai de chez Kana est quand même beaucoup plus. Est vraiment C'est mieux et alors plus agréable à lire maintenant, quoi. c'est Tonkam qui les a C'est réédités en Tonkam, fait. ah ouais, Ouais, ok. en 2007. C'est marrant parce que je les vois petits, donc ok, bah, c'est Tonkam qui ont fait Donc des versions c'est finales. Alors. ouais, en tout cas, ouais, on serait vraiment que mais trop vous conseiller, enfin tous, je pense que c'est un achat sûr et certain. Achetez au moins les c'est deux ça. premiers tomes, histoire de voir. Et c'est vraiment typique. Enfin, voilà, on va pas revenir sur le shonen, mais là, en termes de La note. héros qui commence comme un petit caca et puis qui finit comme un être surpuissant. Enfin, c'est la montée en puissance dans le manga est Ah oui, vraiment très c'est très. ça, et même C'est le la maître façon du dont genre, hein. les ouais, puis même la façon dont les personnages sont développés de volume en volume, c'est vraiment excellent quoi. Ouais. Ouais. Ouais, puis les plot twists et tout Ouais. sont vraiment très bons. Donc voilà, ouais, un deuxième. Ouais, mate, tu fais plaisir là. T'as Alors, du bon matos à recommander. pour info, Ouais, si quand vous avez même. aimé la série, il faut savoir que Dragon Quest, en fait, il y a plusieurs mangas qui sont sortis au Japon. Oui, il y en a. Oui, Enfin, là Dai no c'est la Daiboken, concurrence c'est et le premier, en fait. Ouais. Mais vous avez Yusha no Abel, il y a Emblem of Proto, il y a Eden Saga, Emblem bah, of pour le Roto, Japon. il est sorti chez Bon, nous, ouais. alors toi, t'as la chance de pouvoir lire le japonais, donc tu peux tous te les faire. Chez nous, on n'a que Emblem of Roto et la suite d'Emblem of Roto. C'est dommage parce qu'en fait, le deuxième qui a vraiment bien marché, en fait, c'est Yusha no Abel qui était inspiré de Dragon Quest 3, en fait. C'est vraiment basé dans le monde de Dragon Quest 3, avec les personnages de Dragon Quest 3. Ah ouais, dommage, ouais. Il y avait une petite série télé, moi j'avais trouvé ça plutôt bien, mais Emblem of Roto était pas mal aussi. Oui, et la suite d'Emblem of Roto qui sort, c'est alors en français ça s'appelle Emblem of Roto Les Héritiers. Il y a le troisième tome qui est sorti en début de mois et c'est une vue de l'univers Dragon Quest beaucoup plus sombre et qui fait suite du coup aux événements d'Emblem of Roto. et qui est vraiment sympa aussi. Donc c'est clair que, mais c'est bien aussi. Mais ouais, je pense que May a raison. S'il faut en conseiller un, ça reste quand même malgré tout le premier de... Enfin, même si c'est très bien, Emblem of Roto, ça s'apprécie moins que la quête de Dai pour Ah moi. ouais, grave. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le 3 est très bon par lui-même, mais il n'a pas le charisme de Fly, quoi. Carrément. C'est ça. Et donc, on finit par un film, May? Bah, le problème des films, c'est que en fait, j'aime pas trop en offrir, surtout que maintenant, tu vois, t'as beaucoup de plateformes pour regarder les trucs en streaming, notamment Ouais, avec bah même, enfin, à Netflix et moi c'est tout. en streaming, hein, mais c'est juste à conseiller, tu veux même? Ouais, bah du coup j'avais pas Non? trop réfléchi à ça, parce qu'en général c'est pas les trucs qui vont me venir à l'esprit d'offrir justement, puisque tu peux trouver un peu n'importe quoi. Ok, bah écoute, on peut. Non, mais pas de soucis, mais en tout cas, Voilà. t'as fait de très bonnes Et suggestions pour ce Noël-là. On ne saurait que trop vous les conseiller. On va passer à notre merci deuxième beaucoup. comparse, le plus religieux d'entre tous, j'ai envie de dire, le doyen. Chapi, qu'est-ce que tu nous Ah. proposes aujourd'hui? Alors, on commence par quoi? Mettez vos casques d'abord, et On commence par quoi? Mettez vos casques pour que. Je vais dire des horreurs. On va commencer par le jeu vidéo. allez. Alors, le jeu vidéo, en fait, moi, j'ai plusieurs jeux parce que fatalement, j'ai plusieurs idées en tête. Je pense que le cadeau qui, en plus, en ce moment, est pas du tout cher et qui marche pour toutes les plateformes et qui est une tuerie. Achetez The Witcher 3 si vous l'avez pas encore déjà offert à quelqu'un. Ah oui, alors ça c'est pareil, à Ok. conseiller énormément. C'est voilà, donc C'est pas ça que tu l'as commencé, toi. ouais, je suis en train de le faire. Là en ce moment avec les soldes aussi bien de GOG que du Black Friday, moi j'ai eu le jeu à 9 euros. Ah ouais, Enfin, bah ouais. Bon après il a 3 ans, mais bon, ouais. l'édition Gold avec toutes les extensions, il y a tout dedans, quoi. Pas D'accord. mal. Donc 3000 heures de jeu, un mariage foutu en l'air, mais bon, du plaisir à l'infini. Mais voilà, bon, c'est masterpiece. Si vous y avez pas jamais touché un Witcher, ben, commencez par le 3. C'est pas grave si vous n'avez pas fait les épisodes d'avant, parce que de toute façon, le jeu est suffisamment bien écrit. Ouais, moi j'avais Et rien fait avant, hein. voilà. Et ce jeu est trop bien. En plus, si vous l'avez sur PC, modez-le à l'infini. Et faites-en ce que ce jeu est, c'est-à-dire une perle. Ouais, là il est à 30 balles hein, sur Steam, donc même à C'est 30 fini. euros, c'est Et franchement. même à 30 balles, vu le rapport temps consommé et fric que vous allez dépenser, ça va rien du tout. Ouais. C'est Moi vraiment la vie. j'ai pas réussi à le finir, mais j'ai quand même passé 90 heures dessus. Et c'est vrai que pareil, je me suis laissé emporter par l'univers. Je crois qu'on ce sera très très difficile de proposer un jeu d'aventure comme ça qui va le dépasser, parce qu'il excelle, mais vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans l'aventure en elle-même, la création des dialogues, le jeu des acteurs, des voix est vraiment très très bon aussi. On a un système de Voilà. craft qui est super sympa. Et le tout, sans que, enfin, ça demande de la réflexion, mais c'est pas dur en fait. Et Non, non. c'est vraiment. Il y a un petit timing à prendre sur les combats parce que c'est pas forcément Oui. du bourrinage de boutons, tu te fais défoncer systématiquement. Donc faut comprendre que bah, y a des méthodes d'esquive, etc. Mais Mais tout vient vite en fait, tout vient à temps. tout vient assez naturellement en fait. Voilà. Donc tu comprends vite que les persos, s'ils ont plus de haut niveau que toi, ils te cassent le cul sans aucun problème. Donc tu comprends que t'es pas du tout là où tu dois être. Enfin, non, tout est bien fait, tout est malin dans ce jeu. Ouais, et puis bon, faut dire qu'il y a une pléthore de missions, mais Ah oui, c'est la c'est folie absolue. incroyable. Enfin, si vraiment vous avez une âme de complétionniste, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Si vous voulez aller au bout du jeu et faire tout, bonne chance. Hein, parce que là, c'est vraiment un jeu, ouais, pour 30 euros, vous allez en avoir pour quelques heures. Hein. Honnêtement, voilà. Après, au rayon des nouveautés, parce que bon, le Witcher c'est un peu vieux quand même. Hein, parce que, bon, si vous avez un pote ou une copine qui aime le foot, parce que je sais que ça va, statistiquement ça doit tomber quand même assez fort. Achetez-lui Football Manager 2019, voilà. C'est un jeu de gestion de foot, donc là, pensez pas à jouer avec votre manette, etc. On est vraiment dans de la pure jeu de gestion. Mais Cygame a montré depuis des années qu'ils étaient over the top par rapport à tous les concurrents. Ils ont détruit tous les concurrents. Et cette édition 2019, c'est probablement ce qu'il y a de plus abouti, aussi bien en intelligence artificielle qu'en moteur de jeu, qu'en possibilité et en profondeur de gameplay. Donc voilà, si vous aimez le foot et vous avez un cerveau, bon, je sais que c'est pas donné, normalement les deux sont pas compatibles généralement. Allez, toi. C'est gentil, ça fait ça plaisir. Mais voilà, c'était gratuit, c'est Noël. Et c'était de Noël. Non, mais ouais, il est troisième vente du magasin Steam, si ouais, ouais, non, c'est... Bon, ça marche énormément. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, le deuxième, vous savez ce que c'est, le deuxième meilleur jeu vendu sur Steam, c'est Farming Simulator 19. C'est incroyable. Ouais, Ah ouais. mais ça, c'est les Allemands, ça. Je comprends pas. Mais toute l'Allemagne l'achète. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Enfin bon, voilà. Non mais Voilà. très, très bon. Côté manga et livre, parce que moi j'avais préparé les deux en fait, Ah bah parce que, écoute, vas-y. comme ça Vincent se sentira moins seul. Alors, les mangas c'est très très très très très compliqué parce qu'en fait malheureusement comme disait Kylian, moi je lis pas du tout en français, je ne sais pas ce qui sort en France, donc j'ai été obligé d'un petit peu gratter. Oh, l'élitiste de merde, quoi. Franchement, Mais non, c'est... mais c'est pas évident. Donc, bah, je peux, j'aimerais vous conseiller. Alors, je sais pas comment c'est en français, mais Killzone va m'aider tout de suite. C'est les Chroniques d'Arslan, c'est ça? Oui. Arslan Nosenki, Voilà, tout à fait. Qui est en fait enfin, une adaptation d'un livre qui est pas d'une nouvelle au Japon, qui avait quelques années et qui a été repris. J'ai pas trop envie de parler de l'histoire parce qu'en fait ce serait vous spoiler quand même pas mal de Ah oui, choses. c'est clair. C'est clair que oui. Voilà, je peux juste vous dire qu'au dessin, ben, c'est le mec qui a fait Fullmetal Alchemist, donc La nana. la nana, pardon, excuse-moi. Donc voilà, au niveau de la pâte graphique, on s'y perd pas et l'histoire est juste trop bien. Donc voilà, si vous aimez les histoires un petit peu, les mangas un petit peu historiques. Où ça réfléchit un petit peu et où c'est plutôt très très bien amené et en plus bien dessiné. Jetez-vous là-dessus et en plus de ça, effectivement, c'est sorti en France. C'est sorti en France, oui. C'est Kurokawa qui fait ça. Et c'est ouais, et c'est donc un petit peu peut-être difficile à lire si t'es un peu jeune. Enfin, c'est pas le truc que je recommanderais en tant que premier manga, quoi, parce que bon, il y a quand même, enfin, y a beaucoup. C'est pas qu'il y a beaucoup de textes, mais faut suivre, quoi, vu que Bah, l'histoire en est fait, les enchevêtrements sont assez complexes, mais c'est très bien. Ouais. c'est aux portes. Alors, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de mangas comme ça qui sortent. Il y a Promise of Neverland aussi qui est pas dans la même idée. Oh le bâtard! Je n'ai C'est parlé de pas ça. vraiment, mais c'est pas vraiment du shonen, c'est pas vraiment du seinen. En fait, on est limite entre. C'est du manga qui casse le code, en fait, du shonen et Voilà, et qui. Michel nous en parlera plus tard. Et oui. Mais là, je parle Non, non, mais de toute pour façon, Arslan, hein. enfin, y a pas grand-chose à en dire, C'est mais. pas du manga, en fait. C'est pas du Naruto, quoi. Clairement, on n'est pas du tout dans cette histoire-là. Il y a un vrai travail qui est fait sur l'histoire. Effectivement, il y a beaucoup de textes à lire, contrairement à d'autres mangas, notamment de chez Jump. Yes. Niveau bouquin, petit big up à un écrivain qui est mort cette année, français, qui s'appelle Jean-François Parot. Et qui a écrit une saga de 14 volumes, vu que il est mort, et qui est la saga de Nicolas Le Floch. Alors certains vont entendre parler parce qu'ils ont vu potentiellement la série qui est sortie sur France 2, qui était un étron fumant. Mais voilà, donc en gros, c'est des livres d'enquête policière qui se passent juste avant la Révolution française. Parot, c'était quand même un historien, donc c'est quand même excessivement bien écrit et très très bien documenté. Et voilà, c'est une espèce de Sherlock Holmes, si vous voulez, qui se passe sous la cour de Louis XV et de Louis XIV et de Louis XVI. Non, de Louis XV et Louis XVI, pardon. Et là, je ne peux vous conseiller que de lire ça. Par contre, effectivement, c'est assez massif à lire, donc faut s'accrocher. Si vous avez Mais l'histoire. deux ans devant vous. Voilà, mais c'est terriblement bien écrit et moi c'est mon petit coup de cœur et c'est assez fréquent que je lis ce genre de bouquin parce que je trouve ça absolument divin à lire. Ouais, enfin, vraiment, faut reconnaître que les historiens, c'est parmi les personnes les plus passionnantes qu'il y a à écouter. Hein. C'est vraiment, enfin, voilà, j'en écoute quelques-uns. Et vraiment, c'est des gens. Enfin, bon, après, voilà, il faut apprécier l'histoire aussi en elle-même. Hein, mais vraiment, c'est des gens qui ont une passion de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Et c'est des gens qui aiment énormément transmettre généralement. Et du coup, tout ce qui est assez véridique en matière d'histoire dans les fictions, c'est assez passionnant à suivre. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit Intéressant ta saga là, mon cher Chapi. Voilà. Ça vaut le coup. Et enfin, pour terminer, alors moi j'étais un petit peu comme May, parce que en fait j'aurais du mal à vous conseiller un film ou une série ou autre, mais en fait moi j'ai une super idée de cadeau que les gens ne pensent pas malheureusement, et c'est ballot. Si vous n'avez pas d'idée, eh ben offrez un abonnement d'un an à un service de streaming en ligne. Oui, ça c'est vrai, Offrez c'est. un an de... Ouais. Offrez un an de Netflix. Si vous avez plutôt quelqu'un qui est plutôt fan d'animé, et ben offrez-lui un an de. Il y a ADN et Crunchyroll qui ADN et sont les Crunchyroll, deux ouais. plus gros aujourd'hui plateformes de stream. C'est des plateformes qui sont plutôt hyper maintenant hyper touffues. Par exemple, typiquement ADN a annoncé qu'ils sortiraient les remasters d'Evangelion dès l'année prochaine sur leur plateforme, ce qui est une grosse première. Et Il va être sur Netflix aussi au printemps il va être prochain. sur Netflix aussi, ouais. Ouais. Donc, ah non, merci, c'est Netflix, pardon, c'est pas ADN, j'ai dit Ouais, une grosse bêtise. c'est Netflix au Mais printemps prochain. voilà, bon, en gros, typiquement, ADN, ben, vous avez toutes les séries qui passent en ce moment. Vous avez du One Piece, si vous aimez du One Piece, vous avez du Captain Tsubasa, vous avez toutes ces choses-là. Et je trouve qu'en gros, l'abonnement, j'ai regardé ADN, c'est 60 euros l'année. Ah oui, Donc, tu vois, ça va. on est typiquement dans une gamme de cadeaux, genre un jeu vidéo ou ça. Et ben, pour une fois, ben, moi, je trouve ça plutôt cool comme cadeau. Et au moins, bah, la personne regarde ce qu'elle a envie, le temps qu'elle a envie, et puis bah, si après l'année prochaine, l'année d'après, ça lui plaît, et bah, pourquoi pas, ça vous fait un cadeau tout fait, un renouvellement d'abonnement. C'est Vous clair. Oh n'êtes la donc nuit. plus emmerdé, vous n'êtes plus emmerdé à trouver des cadeaux. Et moi, Non, ça va, ça, c'est pas con. moi, c'est ma petite idée. Non, non, C'est beau, je c'est suis beau. d'accord. Voilà, mais pas mal aussi. Bon, voilà, Chapi, de toute façon, on le connaît, hein. C'est un être Ah, respectable et c'est... vénérable. pas de piraterie chez moi. Oui, non, non, non, non, bien sûr, jamais, jamais. Voilà. Alors, on va passer à Kilvan avec ses goûts un peu plus chelous, mais bon, pourquoi pas. Ah, mes goûts de merde, évidemment, Alors, qu'est-ce que tu me évidemment. proposes, toi, pour ce mois de décembre, là? Alors moi, en jeu vidéo, je propose un jeu qui est vraiment pas. Enfin, du coup, j'en proposais deux parce que c'est deux jeux qui sont vraiment pas chers. C'est dans la catégorie un peu budget et je trouve qu'il y en a deux qui sont vraiment bien. Je pense que les deux qui vont ensemble, c'est cool. C'est Sonic Mania Plus, donc qui est disponible sur Switch, Xbox One, PC et Switch. Donc, qu'est-ce que c'est Sonic Mania Plus? Bah, c'est en fait pour tous les gros connards qui considèrent que les Sonic en 3D c'est une hérésie. Bah là, en fait, c'est la vraie suite pour ces gens-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, on a l'impression de jouer à un Sonic Mega Drive, quoi, avec des nouveaux stages, des nouveaux personnages, etc. Et c'est un vrai plaisir à jouer. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a plusieurs modes de jeu. T'as un mode multijoueur qui est anecdotique, mais qui est quand même présent. Il y a deux, on va dire deux modes, deux modes. Il y a deux modes principaux qu'on peut faire avec les cinq personnages du jeu. Ça reste un Sonic, donc le level design ne change pas selon le personnage que tu prends, mais les capacités de ton personnage permettent d'aller dans le niveau et de prendre des routes qui sont légèrement différentes. Par exemple, tu as un personnage qui plane, peut-être qu'à un moment, un saut que tu pourrais pas passer avec Sonic parce que tu peux pas aller assez vite, bah là, potentiellement, tu peux planer au-dessus du gouffre et du coup, tu prends pas exactement la même route. Ce Ok, genre de choses. ouais. Donc franchement c'est un excellent jeu. Il y a un niveau de détail qui est, enfin, tu ressens vraiment l'amour des développeurs pour le coup pour la licence. Un truc tout con, genre le premier niveau c'est Green Hill, la même que dans Sonic 1. La première partie du niveau, il y a une version, bon c'est pas exactement la même version que sur Mega Drive la musique, mais c'est un son 16 bits classique quoi. Et dès la deuxième partie du niveau, en fait, il y a sans t'en rendre compte tout de suite, en fait, c'est un remix de la musique. Ah ouais, d'accord. Ah, Donc, en c'est bon. fait, D'accord. t'as constamment, en fait, et tous les niveaux, c'est ça. T'as l'ancienne version, des sons, et derrière, t'as un remix qui est fait. Enfin, c'est un souci du détail qui fait que tu te rends compte que tu joues à quelque chose de neuf. Enfin, quoi. Enfin, si t'aimes les Sonic en 2D, à part, enfin, moi, j'ai adoré le Sonic Generations, mais c'est vrai que celui-là, c'est. Pour les puristes, il est quand même plus proche d'un vieux Sonic. Et donc, vu que ça coûte pas cher, bah, on peut en acheter un deuxième qui est un peu dans le même style. Alors, il est disponible sur PlayStation 4, Switch et PC. Et c'est Wonder Boy, The Dragon Strap. Il est Ah excellent. oui, le refaire. Ouais. Alors, Voilà. Wonder Boys Dragon Trap, pourquoi celui-là? Parce que je trouve que c'est un. Ça prouve, en fait, c'est un. Si vous voulez prouver à quelqu'un qu'en fait, les jeux rétro, ça peut être bien, bah, je trouve que ce jeu-là, il est vraiment cool. Parce que concrètement, c'est un jeu 8 bits dégueulasse. Genre vraiment dégueulasse, hein, c'est-à-dire avec des animations de merde, etc. Mais juste bizarrement, tu mets un filtre graphique hyper stylé, avec un côté dessiné des personnages, et bizarrement, t'as un plaisir de jeu infini, quoi. Et en fait, c'est un jeu que je pense peu de gens ont. Je sais même pas s'il est sorti en Europe concrètement, mais je pense que peu de gens y ont joué parce que déjà la Master System c'était quand même une belle merde cette console, faut quand même dire la vérité. Et il y avait pas grand monde qui l'avait, quoi. Non, Et c'est clair. ce jeu-là encore moins, quoi. Et là, en fait, ça permet de, bah, pareil, d'avoir un feeling vieux jeu. Et de le redécouvrir quand même avec des graphismes stylés, quoi. Ouais, c'est parce que c'est vrai que le jeu est resté très très old school, hein. Je veux dire, ils ont rien changé, quasiment Ah, ils ont les... rien changé, Non, c'est rien. exactement le même. Et c'est surprenant, justement. Je pense que n'importe quel joueur de maintenant, étant donné que c'est joli et tout, bah, il pourra y jouer, il va kiffer y jouer autant qu'un vieux con comme nous. Mais oui. Voilà, donc, du coup, je pense c'est voilà. Donc les deux, c'est un peu des jeux rétro, mais c'est vrai que c'est des jeux un peu rétro nouveau, mais je trouve c'est vraiment des bons jeux. Et si je pense qu'après le mois d'octobre où généralement on s'est tapé les bons gros triple A, les Assassin's Creed, les Call of Duty et compagnie, bah, je pense que ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça. Et Octopath Non, ça c'était chez Traveler. Lucifer, ça. Donc voilà donc pour ma partie jeux vidéo. Ok. Bah, tu vois, alors moi, bon, je vais pas faire le haineux, mais c'est vrai que je déteste Sonic, mais vraiment de ouf, hein, parce que j'ai toujours eu un gros problème avec la maniabilité et la lisibilité Ah ben là, tu des le jeux verras Sonic, pareil, quoi. hein. Ouais, mais c'est ça, je n'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris comment il fallait y jouer. Alors, je suis peut-être pas assez. Enfin, après, bon, j'étais un Nintendo Boy quand j'étais petit, quand il y avait la guerre des consoles dans les années 90. Donc. Après, quand on est honnête, Mario World est bien supérieur à n'importe quel Sonic jamais sorti, hein, c'est sûr. Donc Voilà, bon. c'est évident. Mais Voilà. voilà, pour moi, Sonic, ça a Voilà. jamais Mais même été. si j'adore Sonic, hein, mais ouais, c'est vrai que Ouais. si t'as Quelle bonne été chose, j'avais éduqué pas pensé. à la sauce Nintendo au niveau jeu de plateforme, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Voilà, mais bon, voilà, pour moi, Sonic n'existe même plus, donc il n'y a même pas de rage à avoir, tu vois. Il a plus. Il n'y a Oh, il a plus. perdu. Voilà. Non, mais en tout cas, Hein. c'est pas mal. Est-ce que tu as fait le tour? Je me rappelle plus. Non, tu as fait. Non, il Non, faut que non, je fasse non, mais oui, le bien sûr. manga maintenant. Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors manga. Donc, soit ça, celui-là, c'est vous pouvez l'acheter en avance, ou alors il y a une réédition qui va sortir dans très peu de temps. C'est Slam Dunk. Ah oui. Alors, Slam Dunk va être réédité avec des belles pages comme on aime bien, qui puent pas la clope parce que tu l'as acheté dans un Gilbert Jeune. Et c'est un. Je pense que, enfin, tous ceux qui l'ont lu, je pense que c'est culte pour tout le monde. C'est une tuerie, ce manga. Y a rien à dire, quoi. C'est l'esprit shonen appliqué au sport. Mais le meilleur qui soit, pour moi, c'est au-dessus de Captain Tsubasa, Ah oui, pas bah sans c'est problème. au-dessus de tout, en fait. C'est Slam Sans Dunk, c'est. aucun problème. Slam Dunk, c'est vraiment c'est le top du top, quoi. Même, par exemple, même des mangas, même par exemple de basket récents, qu'on peut trouver des qualités, qu'on peut le trouver supérieur à certains points, comme Kuroko no Basket, pour moi, ça n'a rien à voir avec Slam Dunk. Slam Ah Dunk, bah c'est non. vraiment. Mais non. Il y a un feeling, l'histoire est intemporelle, les tout ce que enfin les questionnements des persos, le fait qu'il n'y ait pas trop de rapport à la technologie, donc tu sais pas trop vraiment dans quelle époque t'es. Il y a pas trop c'est pas trop référencé, c'est pas Ah comme ouais. d'autres mangas comme par exemple GTO ou Rakai Blues où quand même où tu commences à voir des magnétoscopes et des trucs bon, c'est des trucs ça parle pas forcément aux gens de maintenant. Dans Slam Dunk, c'est pas le cas du tout. Slam Dunk, c'est intemporel. Et ouais, je pense que ça par contre c'est un très très bon manga pour commencer les mangas. Et si vous l'avez pas lu, moi je pense qu'il faut l'avoir lu. Moi, C'est j'ai jamais lu, vraiment moi, ouais. je pense que c'est excellent. La réédition a littéralement cartonné au Japon. Ça, comme quoi, même c'est intergénérationnel, même les jeunes de maintenant vont racheter. Enfin, les rééditions, je regardais dans les chartes à la semaine, dès qu'il y a un volume qui sortait, il partait numéro 1 direct. Hein. C'était. Slam Dunk, c'est une école hein, au Japon. C'est rare, moi, quand je discute avec des Japonais, des gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé. Mais moi je connais personne qui ne l'a pas aimé. C'est ça qui est dingue. Ouais. Tous Ouais, ceux qui c'est l'ont vrai. lu, je connais personne qui me dit non, c'est de la merde. Personne. Bah, je sais pas, moi c'est surtout C'est. c'est surtout, enfin, je suis vraiment pas fan du basket, alors je sais pas. Ah mais lis Slam Dunk. D'accord. Non, mais Tu par verras que curiosité, je le vais le faire. basket Non, ouais, là c'est c'est accessoire au différent, quoi. final. D'accord. Non, mais pourquoi pas, mais c'est vrai que ouais, de toute façon, tout le monde le dit, hein, que c'est un manga totalement culte, alors je vais pas dire non non plus, quoi. À mon avis, Voilà, c'est non, mérité. c'est. Voilà, je pense que c'est mérité. Alors ensuite, alors moi les films, bah du coup, j'en ai quand même pris un. C'est vrai que vous avez fait la remarque que offrir un film c'est un peu nul. Bah c'est vrai que c'est vrai, hein. Je suis assez d'accord avec vous. Mais Surtout un film que t'aimes pas, quoi. C'est les meilleurs cadeaux, oui, ceux-là. ça c'est si vraiment t'es ouais, si Le t'es cadeau fan. salé. Voilà. Alors moi je le conseille parce que ça fait partie des Blu-ray qui sont pas très chers. Surtout il y a des packs à l'infini si vous cherchez dans les bonnes crèmeries sur Internet. Et je pense que peu de gens l'ont vu. En fait c'est un des derniers Disney, c'est Vaiana. Ah oui, Ouais, moi ouais. je l'ai pas vu encore. Ah, Ouais. tu l'as pas vu. Alors justement bah il y a peu de gens qui l'ont vu parce que je sais pas. Je crois qu'il est sorti dans une période où il devait y avoir des meilleurs films. J'en sais rien, mais c'est un très très très très bon Disney. C'est une de leurs pour moi c'est une de leurs meilleures productions qu'ils ont fait récemment. Franchement, il est top. Il y a, enfin, la VO, la VF, c'est les deux sont bien. Enfin, graphiquement, c'est génial. Ça dépayse vraiment parce que c'est un folklore qui nous est pas très connu. Enfin, je pense que les trucs des îles, personne, Ah ouais, enfin, non, le personne folklore ici polynésien connaît n'est pas bien fait, ouais. le moindre folklore de ce truc-là, personne connaît. Donc du coup, non, c'est un film dépaysant. C'est vraiment sympa. En plus, on est à Noël. C'est un cadeau facile, surtout si le lendemain, vous êtes le 25, vous devez aller bouffer chez la belle-mère et que vous voulez vous éclipser à faire regarder un film au petit cousin. C'est une bonne idée de mettre ça parce que c'est vraiment bien et ça plaira à tout le monde. Non, donc voilà, c'est un super film. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ait pas spécialement marché au cinéma. Bon, après, ça nous évitera qu'il ait une suite dégueulasse, donc l'un dans l'autre, c'est bien. Mais c'est dommage qu'il ait pas au moins eu un succès critique derrière, quoi, après coup. Bah, Parce que. écoute, moi je l'ai trouvé, enfin je l'ai vu, j'ai passé un bon moment, mais je serais pas aussi emballé que toi, quoi, tu vois. Je suis sorti de là. Alors c'est vrai que bon, j'ai trouvé magnifique l'eau, le thème de la Polynésie, enfin voilà tout ce que t'expliques. Mais je sais pas, il manquait un truc, quoi. Alors je sais pas si c'est un manque dans les péripéties ou alors si le personnage du mec qui est joué par The Rock, enfin qui est doublé par The Rock. Est-ce qu'il a... Enfin, je l'ai pas trouvé super bien écrit non plus. Enfin, pour moi, voilà, il manquait un truc pour en faire un grand Disney, tu vois. Et même si j'ai passé un bon moment, je le reverrai pas. Je le reverrai pas forcément, quoi. Enfin, si j'ai le choix de voir autre chose comme Disney, je préférerais. Mais après, ouais, c'est quand même à voir une fois. Il est vraiment Bah, sympathique. c'est pour ça, moi je le conseille parce que je trouve qu'il faut quand même l'avoir vu malgré tout, quoi. Ouais. Effectivement, je suis comme toi, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément un truc que tu vas revoir à l'infini, mais je pense que c'est pas mal à voir. Par exemple, je le trouve supérieur à la Reine des Neiges, quoi. Oh Ah non, oui, mais bah tout est oui, bien sûr. supérieur à la Donc, Reine des Neiges, mais et partons de là. enfin, j'ai pas en tête dans quelle ordre ils sont sortis les Disney, mais les Disney qui sont sortis avant et après celui-là, ils sont pas forcément mieux, hein. Oui, non, non, C'est pour ça, moi je trouve que c'est vraiment on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai c'est pas à trop bien suivi regarder. Disney, moi. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils ont sorti à part. Enfin, depuis quelques années, là, je suis pas du Sais tout. Donc, pas. en effet, c'est Moi vrai que. je me suis arrêté à Bernard et Bianca, moi. Voilà. C'est vrai qu'il Ah est oui, peut-être d'accord. bien du coup. Ouais. Enfin, moi, je crois que c'est Ah mieux non, mais le je. dernier que j'ai vu. Bernard et Bianca, ouais, c'était bien quand même. Ah non, mais moi Ah, ah ouais, complètement. je déteste Disney, donc. Ah oui, bah oui. Je peux Ah, pas. ah bon, bah Ah écoute, non, désolé. Désolé. Mais c'est un super cadeau pour les enfants. Je vous les conseille très très Tout à chaudement. fait. Ouais, non, non, Très mais bien. nickel. Et donc, mais pas les miens. du coup, Bon. je vais juste terminer, juste donner un petit livre parce que bah, je savais pas, mais c'est vrai qu'il y a un livre que du coup je conseille souvent et que je trouve vraiment bien. Et donc, du coup, bah, ça vaut que dalle un livre, hein, clairement. Surtout le livre que je vais vous dire là, ça doit valoir 1 € à tout péter, quoi. C'est La planète des singes, en fait. Mais le roman. Ah ouais. Ouais. Ah, et en fait, bon, enfin, je pense que je vais pouvoir refaire le pitch de La planète des singes ici. On a tous au moins vu au moins une version, un film, un anime, n'importe quoi. Jamais! C'est vrai? Non, C'est jamais! Jamais! vrai? Je peux m'enorgueillir d'en avoir jamais vu de film de la planète des singes. Ah, bah, en gros, le pitch. Alors Ouais. Vin, si tu veux, il y a un truc qui est très simple. Tu vas sur Paris, tu prends dans n'importe quel RER, c'est à peu près pareil. Ça Ah, le marche bâtard, le mec il a mal systématiquement. parlé du C'est RERD en plus. sale. Ah, oh là Hey, là. c'est ma ligne. ça, putain. Aïe, aïe. Bah oui, je sais, je la prends tous les jours, donc. Et voilà, bon, non. Bon. Non, je ne cautionne pas, monsieur, je ne cautionne pas. Ici, on est Charlie, ici, on n'est pas comme ça. Non, et donc, du coup, bon, la planète des singes, en fait, pourquoi lire le roman? Parce que, bon, déjà, les films, c'est des adaptations. Les adaptations, par définition, ça change des trucs. Oui. Voir la vision originale d'un auteur, je trouve ça super intéressant. Et je trouve le roman supérieur à n'importe quelle adaptation qui a été faite jusqu'à maintenant. Même si les films sont pas mauvais, hein, y a pas de problème. Mais je trouve celui-là, enfin à part le suite 2002 là qui était un peu merdique, mais bon. Donc voilà, je pense que ça se lit vite. Je sais pas comment il fait de page, mais il est pas très épais. Ça se lit bien et le twist final est vraiment sympa en bouquin, c'est pas le même que dans les films justement et ça vaut le coup. Ok. Voilà. Non mais pourquoi pas, mais c'est vrai que ouais, moi ça m'a jamais attiré spécialement l'univers de la planète des singes, mais bon pourquoi pas. Et ben on va finir par moi. Il nous reste quelques minutes. Alors en jeu, alors j'ai cherché des trucs. En fait, ça a été assez facile finalement de trouver. En jeu vidéo, j'ai commencé pareil par un jeu budget qui est sur Steam en ce moment. Il est à 12 balles. Et c'est R-Type Dimension EX. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment pour à la fois les jeunes générations qui peuvent découvrir un style de shoot'em up qui a quasiment fait les bases de tout. Hein, et pour les anciens qui retrouvent le jeu qu'ils ont aimé auparavant. Donc ça reprend. C'est une compilation qui reprend R-Type et R-Type 2, donc les célèbres shoot'em up horizontaux de IRM. Et on retrouve donc la version originale et la version remasterisée, sachant que vous pouvez switcher entre les deux à n'importe quel moment dans le jeu, donc ce qui est plutôt sympa. Et donc vous retrouvez exactement, c'est comme le jeu dont tu parlais, Kilvan. On retrouve des graphismes améliorés, mais le jeu est exactement le même. Et vraiment, enfin, si jamais vous n'avez joué, excusez-moi, putain, en le disant, ça m'a paru bizarre. Si jamais vous n'avez joué un shmup, vraiment, R-Type, c'est la base de tout. Si vous aimez R-Type, vous allez apprécier l'intégralité du genre, je pense. Enfin, c'est vraiment un jeu qui a marqué son époque et qui, aujourd'hui est désuet, j'en conviens. Mais c'est vraiment un jeu qui, si réussit à vous accrocher, c'est là où vous allez commencer à comprendre l'envie d'aller toujours plus loin dans ce genre de jeu. Donc voilà, pour 12 balles, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a deux jeux avec. Alors, j'ai juste une petite question du coup, parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Moi, j'aime bien la série, enfin, j'aime bien le R-Type Final et R-Type Delta. Ouais. Donc, c'est le premier épisode, et du coup, c'est aussi cruel que ceux d'après, ou la difficulté est plus. Oui, c'est un jeu old school, hein. Il est resté tel qu'il était. Tel qu'il était à l'époque, quoi. Donc, c'est un jeu très difficile, c'est un jeu quand même très difficile, hein, parce que le R-Type Final et R-Type. Alors, R-Type Final, moi je l'avais fini, je l'avais trouvé compliqué. Bah, après, c'est vrai que quand t'en fais un, t'en fais 50, t'as plus la notion de difficulté, c'est vrai. Mais R-Type, c'est un jeu qui a quand même une courbe de progression qui est plutôt sympa. Enfin, qui est plutôt sympa. Qui te permet de prendre tes bases et d'utiliser les mécaniques. Donc c'est vrai que ça reste un jeu ancien. Donc forcément, peut-être que vous n'allez pas comprendre parce qu'il n'y a pas de vie et parce que. Parce que vous tapez des continues, mais franchement, moi je trouve que c'est un jeu qui peut plaire à beaucoup de personnes, et pour ce prix-là, ce serait bête de passer à côté. Donc voilà, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez essayer. Je vais complètement l'acheter. Ouais, moi aussi je vais le prendre. À 12 balles, je vais le prendre. Voilà, en jeu vidéo. En film, alors je voulais vous proposer ces deux films qui sont présents sur le catalogue de Prime en ce moment là. La chose, donc The Thing de John Carpenter. Alors il y a les deux versions, c'est ça qui est sympa. Il y a la version de 82, hein, la version originale de John Carpenter, et puis le remix de 2011 avec l'excellente Mary Elizabeth Winstead. Si tu m'entends, Mary Elizabeth, hein, je t'attends. c'est je t'aime, c'est je ah ouais, là c'est du wife material quoi. Enfin, donc voilà, voilà. Si vous connaissez pas The Thing, donc c'est un chef-d'œuvre de John Carpenter hein, qui prend place dans dans le cercle arctique, je crois, une expédition qui trouve un vaisseau avec un être qui est congelé. Et du coup, ils sont donc dans un petit périmètre, hein, ils ont une petite station, ils sont une dizaine, et ils se rendent compte que le parasite eh bien, est capable de copier les cellules très très rapidement. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont infectés, mais on ne sait pas qui sont les humains, qui sont les monstres. Donc, c'est à la fois un huis clos hivernal et de la science-fiction. Et c'est pas mal gore aussi, hein, donc voilà, il faut, faut aimer le sang. Mais voilà, autant le charme de la version d'origine que les effets spéciaux de la version remasterisée, vraiment, si vous n'avez jamais vu The Thing, il faut vraiment le voir. Donc je vous conseille les deux en ce moment sur Prime, hein, si vous avez donc un abonnement Amazon Prime, vous pouvez y aller. Vraiment de très très bons films. Est-ce que vous l'avez, d'ailleurs, vous l'avez vu soit le premier, soit le deuxième? Alors, j'ai vu le premier. Ouais. En tout cas, c'est une super idée parce que si jamais le petit cousin il aime pas le dessin animé de Kilvin, tu lui fous ça derrière, il va être refait. Quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, t'es bien. Mais je vois. Écoutez, si vous n'avez pas vu le remake, je vous conseille vraiment parce que c'est, il est à la fois très fidèle et il apporte quand même une actualisation qui est sympa. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le mater, bah, faites-le. C'est, je pense que voilà, si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième, à mon avis. Ça me va de faire un petit pont rapido avec notre épisode sur les films d'horreur. Et moi j'aime pas les films d'horreur, et pour moi je considère que celui-là il fait vraiment partie d'un des grands classiques du cinéma, et je pense que The Thing le premier ça fait partie des indispensables quoi. Ah ouais, donc vraiment foncé, et c'est vraiment un très très bon choix. Tout à fait, et c'est vrai que voilà, du coup le remake c'est pareil, il a pas fait beaucoup de bruit, mais il est d'excellente facture, donc voilà, c'est sympa de regarder les deux, rien que pour la comparaison. En manga, alors j'ai eu deux choix là, donc parce qu'en fait, bon, je voulais parler de The Promised Neverland, que je vous conseille énormément, mais c'est très difficile de parler de ce manga. Sans spoil, en fait, c'est ça. Voilà, le problème, parce que le twist arrive très vite dans arrive très vite dans l'histoire. Ce qu'on peut dire, donc, c'est juste que c'est un orphelinat qui accueille donc des petits enfants qui sont sous la charge d'une femme qui s'appelle Isabella, je crois, que tout le monde appelle Mama. Et on a vraiment ce cadre idyllique, quoi, hein, où vraiment les petits sont. On n'est pas du tout dans un orphelinat genre post-guerre ou des trucs comme ça. Là, vraiment, les enfants sont entourés de chaleur et d'amour. Et très vite, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une industrie derrière. Et que les enfants sont un produit comme les autres, mais on ne sait pas pourquoi au départ. Et c'est là que ça part dans un tout autre délire, bien plus dark. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par la. Enfin, justement, si vous voyez la pochette dans un magasin, que vous dites, vous êtes peut-être dit en regardant la couverture, putain, super, il y a des fleurs, il y a des enfants. Ça va être encore un truc à l'eau de rose. Non, pas du tout. Donc, vraiment, je vous conseille. Tu l'as lu, toi, Chabi? Je sais pas. Ah oui, ouais, moi je le suis, c'est excellent. Ok, excellentissime. Moi aussi, moi du coup, j'ai suivi la publication en version française, quoi. Donc je suis un peu en retard par rapport à ceux qui lisent les scans. Mais moi, je pense que tu peux dire sans spoiler que concrètement, c'est un thriller psychologique, quoi. Oui. Oh, oui, c'est ça. Ouais. C'est un thriller psychologique et en fait, c'est très intelligemment fait. Et le gros point fort, selon moi, et je pense que je sais pas si vous ressentez la même chose, Chapi et Vincere, mais pour moi, je trouve que c'est un manga qui te lâche suffisamment d'infos rapidement et qui résout des situations suffisamment rapidement. Ce qui fait que, parce que concrètement, on va dire le premier arc narratif, ça aurait pu durer 15 tomes, s'ils avaient voulu faire durer le truc. Oui. Et concrètement, en 5 tomes, c'est plié, quoi. Mais oui, mais donc, d'ailleurs, c'est ça qui est. Ça avance très vite, ouais, c'est très bien, c'est très très bien rythmé, c'est. Le suspense c'est vraiment bien et c'est vraiment top, quoi. Non, c'est vrai, rien que le premier tome, il se passe quand même beaucoup de choses. Du coup, c'est. Voilà, on aime que ça traîne pas, en effet. C'est vraiment très très bon. Et le deuxième que je. Enfin, si vraiment vous ne l'avez jamais lu ou si vous voulez vous offrir, c'est vraiment Si vous êtes féministe, parce qu'il y a que des, il y a que des meufs quasiment, c'est Claymore. Donc ça a été édité par Glénat et c'est du dark fantasy Voilà, avec et c'est classé Shonen. Ah ouais? C'est pas vrai. Si, si, je te jure, c'est vrai. Ah ouais, oh merde. Putain. Ah Bon, bah oui. bah ça fait bizarre hein, quand tu vas Ouais, le c'est clair. Donc voilà, on est dans un univers fantaisiste où des femmes qui sont mi-humaines, mi-démones chassent des démons, justement, avec leur côté démon qui permet de les repérer. Et il y a toute une histoire derrière. Donc c'est une armée de gonzesses en armure et avec des grosses claymores, hein, justement, des épées de taille, des épées à deux mains. Et vraiment, pareil, là, on part au début de quelques claymores qui butent des morts-vivants, des démons. Mais alors, ça prend tellement une autre tournure au fil des épisodes. Et vraiment, les claymores, que ce soit les gentilles ou les méchantes, elles sont vraiment mémorables. Enfin, vraiment, les 27 tomes sont assez incroyables. Moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce manga. C'est un de mes mangas préférés, vraiment. En contemporain, je pense que même que c'est mon manga préféré, si on enlève les anciens mangas des années 80-90. Enfin, en tout cas, voilà, je vous le conseille énormément, jetez-y un œil. C'est pas pour... Ouais, c'est plutôt réservé à ados, adultes, c'est clairement pas enfant. Mais voilà, si vous voulez une histoire à la fois mature et sombre, mais dans l'univers fantasy, vraiment très très bon. Avec un très bon, une très belle patte graphique, très organique de la partie démon qui est appréciable. Ouais, Tu oui. sens qu'il a été, enfin le style de dessin c'est quand même assez ancien malgré tout parce qu'il a commencé quand même il y a longtemps. Claymore, il a mis Oh oui. l'auteur sortait des tomes, sortait, il avait pas un rythme de parution comme un truc du Ah non, Jump des fois il y quoi. avait un tome par an. Ouais. C'est Ah ça. ouais. Donc du coup tu sens la patte graphique et moi j'adore en fait, j'adore les mangas qui ont un peu ce trait un peu vieux, enfin pas, j'aime pas dire vieux, mais plutôt organique en fait dans la façon dans les détails. On voit vraiment des fibres dans les tissus des bestioles. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique quoi. C'est Ouais, il y a une grosse et c'est ouais, c'est évolution. vraiment, c'est très très bien. C'est vraiment un très très bon manga. Ouais. Voilà, donc bah, écoutez, hein, si pareil, si vous tombez sur un ou deux tomes, ou si vous avez envie de tester avec quelques scans, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas, je pense. Éviter de regarder l'anime aussi, qui est assez mauvais. Ah bah moi, écoute, j'ai plutôt apprécié. Justement, c'est un des rares où j'ai passé un bon moment, mais Moi, je bon. trouve qu'il change l'histoire, donc Ah oui, t'as bah oui, même après, il y a tout un arc qui est coupé. Enfin, je dirais, il y a des pas. T'as même raccourcis. pas. Ouais, du coup, en gros, enfin, l'histoire fait 27 tomes. Là, en gros, l'anime, c'est un espèce de 12 tomes mélangés avec un espèce de truc à leur sauce. Hein, c'est pas. Oui, Je trouve ça pas génial, quoi. t'as quasiment tout le premier arc, mais ça rejoint directement la fin. Enfin, ouais. C'est vrai que Ouais, c'est pas le truc à c'est regarder en premier, en fait. Voilà. pour ça, voilà, limite, ouais, enfin, je vous déconseille de le regarder, enfin, je vous conseille de le lire. Voilà. Et en livre, je vais finir sur La part de l'autre. Donc moi, je suis un fan absolu de Éric Emmanuel Schmitt, hein, qui est un écrivain français qui habite à Dublin, je crois. Et il a fait ce roman. C'est le premier que j'avais lu de lui et j'ai été passionné. C'est un roman qui en fait est découpé en deux parties qui s'alternent d'un chapitre sur l'autre. Et on suit la vie de Adolf Hitler. Donc avec une partie qui est la vraie vie de Adolf Hitler. Et le point de départ, c'est son concours d'entrée à l'école des arts de Vienne. Et du coup, il y a une histoire qui est donc la vraie, dans laquelle il a échoué au concours et qui suit la trajectoire qu'il a suivie, et la deuxième qui est celle s'il avait été reçu à ce concours. Et du coup, D'accord. les deux histoires s'entremêlent, et donc voilà, vous suivez deux vies de personnes totalement différentes en fait, mais qui sont la même personne, et c'est vraiment, enfin, je ne peux que vous le conseiller, c'est un classique absolu, vraiment, voilà, sans doute mon livre préféré. C'est pas peu dire, vu le nombre de bouquins que je me suis tapé. Bon, bah voilà, il nous reste 12 minutes, 11 minutes pour parler du sujet de fin. Remarque, ça va peut-être suffire parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à en dire. Ah, moi, je voulais revenir sur la polémique de Diablo Immortal parce que je suis quand même très triste. Est-ce que vous avez vu déjà les trailers, le gameplay, messieurs, dames? Je n'ai pas du tout regardé Diablo, c'est pas un truc qui me botte. Cool, Ok, je suis pas Chapi et intéressée. Kilvan. Moi, j'ai vu et j'ai ri surtout. D'accord. Kylvan, toi aussi, t'as Bah vu? moi je trouve que c'est un énorme gâchis de moyens quand tu vois la qualité de la scène cinématique et les thunes que ça a dû prendre pour faire cette scène cinématique qui est bien, qui est quelque chose qui est largement mieux que le espèce de merde finale. C'est moi ça me vraiment ça me désole quoi, ça me rend triste. Alors c'est ça, ouais. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur la chronologie. Alors c'est vrai que donc du coup, on avait eu des alors c'est pareil, je sais jamais d'où partent ces rumeurs, mais il y avait des rumeurs comme quoi on allait entendre parler de Diablo à la BlizzCon cette année. Sur Reddit, on avait eu quelques fuites et Blizzard avait démenti assez vite pour dire qu'il n'y aurait pas de nouveau, il y aurait pas de nouveau jeu Diablo en soi. Donc déjà voilà j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tout le monde s'est vénère parce qu'ils avaient annoncé qu'il n'y allait pas avoir de jeu Diablo PC avant même que la BlizzCon se passe. Donc voilà. Bah, parce que tout simplement aujourd'hui c'est une licence qui est plus du tout maintenue et qui est plus du tout vue et prolongée par Blizzard, alors qu'elle a une part de fans assez impressionnante, du tout en fait. Ok. Bon, bah, toujours est-il que voilà, on a vu la cinématique qui en effet est vraiment absolument magnifique. Hein. Vraiment, j'ai été soufflé Bon, par la qualité. les animateurs de Blizzard, à part peut-être Pixar et ouais, franchement, à part Pixar et peut-être les mecs de League of Legends aussi qui font quand même des belles scènes cinématiques maintenant. Franchement, il n'y a personne qui leur arrive à la cheville. C'est incroyable le travail qu'ils Ah, c'est font. des malades, Même Square Enix, maintenant, ils puent la merde à côté, je trouve. hein. Vraiment, en termes de mise en scène et Ah oui, de c'est qualité moins. Oui, moi d'animation, aussi, je trouve que c'est moins bon. c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et donc du coup, bon voilà, on a une cinématique qui est vraiment géniale, et puis on découvre que le jeu va être sur mobile. Ils font également une vidéo de gameplay pour qu'on regarde un petit peu. Et franchement, enfin, je pense que si Malaise TV était sur place, il y avait de quoi faire des rushs pour tout le zapping de la semaine. Hein, parce que vraiment, le malaise qu'il y a eu pendant la présentation de Diablo, enfin. Le pauvre mec qui était censé présenter Diablo Immortal là, sur scène, Ah, il l'Asiatique s'est fait là. sacrifier, hein. Ah, mais alors lui, je pense que il s'en souviendra toute sa vie hein, de sa présentation de Diablo. Enfin, voilà, le mec, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Il a fini sur le bûcher avec le feu et tout, et l'abbé Cochon qui était en train de lui dire que c'était un hérétique. Enfin, Quelle horreur. le mec dans le public qui a demandé si c'était pas un poisson d'avril déplacé à une date ultérieure. Enfin, bon, voilà. Ils vont faire un sacrifice, quoi, en gros. Ah ouais, non, mais grave, le mec, il a trop douillé. Enfin, c'était vraiment malaisant au possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Première fois, la chute de 7,2% des actions de Blizzard à la Ah. bourse. Sachant ce que pèse Blizzard, 7,2%, vous imaginez un petit peu la défiance qu'il y a eu sur le marché, c'est quand même assez incroyable. Et puis aussi, on a eu un ancien employé haut placé qui avait travaillé sur Diablo qui a dénoncé un peu le traitement des employés, particulièrement de la branche Diablo au sein de Blizzard. Et ça a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, sur le fait qu'en effet, bah, Diablo, c'était vraiment la saga moribonde de Blizzard et qui se concentrait vraiment sur autre chose. Alors moi je trouve ça très dommage parce que en effet en même temps il y a Path of Exile qui va sortir sa plus grosse extension de l'année hein, le 7 décembre. Et du coup elle a été annoncée quasiment en même temps que Blizzard Immortal et s'appelle Trahison quoi. Du coup et C'est un signe bien, ça, quelque on part. doit combattre le syndicat des Ah. immortels aussi hein, donc bon. Bon, on va pas me faire croire que ça a été fait au hasard, mais bon, évidemment, GGG, le développeur du jeu, n'a rien dit, mais on sait tous que c'est fait exprès. En tout cas, voilà, c'est triste parce que justement, il y a plein de gens qui aiment Diablo, mais qui n'aiment pas l'action RPG en fait. Tout le monde sait aujourd'hui que Path of Exile est un jeu largement supérieur à Diablo 3, mais les gens, enfin, y a pas énormément de gens qui sont prêts à switcher, quoi. Tout d'abord parce que Path of Exile, c'est un jeu qui est très compliqué d'accès. Et aussi parce que les gens, comme tu disais, Kylvan, il y a beaucoup de fans de la licence de Diablo, quoi. Et pas forcément du style en lui-même. C'est vrai que Ah oui, pour complètement, faire complètement. l'analogie, si tu avais un Gran Turismo qui était attendu depuis vachement longtemps et qu'on te propose de jouer à un Forza en attendant, bah oui, je suis pas sûr que tu aies envie, quoi. Parce que toi, t'attends un Gran Turismo, quoi. Donc C'est ça. bon, ça je peux le comprendre, mais vraiment, c'est pas pour faire du prosélytisme, hein, mais vraiment, si, enfin, de toute façon, on le voit sur le forum de Path of Exile, et moi je suis de très près tout ce que fait le jeu, la méta, la communauté, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de joueurs de Diablo là, qui commencent à se lancer. On voit pas mal de streamers aussi de Diablo qui essayent Path of Exile. Je pense que là, la prochaine extension, il va y avoir beaucoup de monde. On voit beaucoup de questions de noobs aussi hein, sur les forums. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser. Enfin voilà, si vraiment vous avez, si vous aimez le genre action RPG, et vous savez que Diablo est mort désormais, bah je vous conseille vraiment d'essayer cette nouvelle extension Betrayal de Path of Exile qui a lieu le 7 décembre. Je rappelle que le jeu est entièrement gratuit, hein, donc vous pouvez l'essayer sans rien débourser au départ. Et vraiment, c'est là où on voit en fait la différence. Et c'est ça en fait finalement le pire, c'est que GGG est vraiment une compagnie qui écoute énormément le feedback des joueurs. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a des bugs, dès qu'il y a des, comment dire, dès qu'il y a des trucs qui sont trop pétés dans le jeu, généralement ils écoutent les joueurs ou ils écoutent les trucs, les problèmes de qualité de vie dans le jeu. Enfin, ils changent vraiment beaucoup de choses. Et d'un autre côté, bah voilà, on a une entreprise qui pourtant fait 20 fois plus de bénéfices, si ce n'est, enfin, même carrément, c'est combien de fois plus, je peux même pas le dire, mais qui voilà, n'écoute pas du tout. Bah pourtant, les joueurs qui ont constitué ce qu'est la saga Diablo aujourd'hui. Et je trouve ça vachement, vachement triste qu'on en soit arrivé là, parce que c'est vrai que Diablo, c'est quand même un très bon jeu, hein. Il est dépassé par, il est dépassé par les autres aujourd'hui. Mais quand le jeu est sorti, moi j'y ai joué vachement longtemps et j'ai passé un excellent moment. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça finalement triste, quoi. J'ai même pas, enfin, j'ai, voilà, il y a eu plein de mèmes qui sont sortis dans la communauté Path of Exile pour rigoler de Diablo. Alors, c'est vrai que c'est marrant de le voir, mais finalement, voilà, je suis quand même assez triste parce que Diablo 3, c'était un jeu que j'aimais bien Au-delà même de Diablo 3, moi je trouve que c'est un symbole, c'est-à-dire qu'en fait Blizzard faut pas oublier que Blizzard de base c'est une triptyque de jeux, c'est Warcraft, Starcraft, Diablo, et que Starcraft c'est plus trop maintenu. Je pense pas que Starcraft ait le moindre plan dessus, il y a rien quoi. Starcraft c'est un peu Bah, mort comme StarCraft, série depuis un ils sont paquet un peu d'années. en vase clos. Ouais. Enfin, Ils ça sont un continue toujours, mais ils sont peu en vase clos, quoi. Il n'y a plus de. Enfin, il y a rien quoi, il y a rien, il y a pas de enfin ils font de l'équilibrage à la limite pour le StarCraft 2, mais il y a pas de contenu, enfin il y a rien. Il y a un espèce de mode multijoueur qu'ils ont sorti un peu longtemps, mais c'est du remplissage, c'est un truc, c'est les stagiaires dessus terminé quoi. Enfin, il y a aucune Aujourd'hui, c'est Overwatch et Hearthstone, hein, c'est tout. Enfin, C'est c'est. ça hein. Et Diablo maintenant, Diablo c'est terminé. Enfin, je veux dire le socle, enfin voilà, je trouve que ça veut dire qu'en gros à part à World of Warcraft malgré tout, on y est quand même plus sur la fin que sur le début. Ça veut dire que le socle de base, enfin, ce qui fait bizarre aujourd'hui, c'est en train de claquer, quoi. Ça. Ah, en fait, moi, je suis pas complètement d'accord avec vous, hein. Parce que le Diablo Immortal, en fait, tel que tu vois comment il est conçu, comment il est fait, et la trajectoire, en fait, les gens n'ont pas compris. C'est la cible, c'est pas les joueurs de Diablo. Ben, La c'est. cible, pour moi, c'est le marché asiatique, hein. C'est le marché du téléphone portable, hein. C'est le marché des hack and slash en téléphone portable où aujourd'hui, t'en as quand même pas mal. Et ils se disent, on va partir sur un jeu téléphone portable, sur un mécanique de jeu qui marche bien, parce que c'est plutôt une catégorie de jeu qui a un bon succès sur Android et puis sur iPhone. Et on va prendre des développeurs. Alors, il me semble que les développeurs Diablo Immortal, ils sont chinois d'ailleurs. Oui, c'est NetEase, ouais. Et donc, moi je pense qu'ils font ça pour essayer de justement d'élargir l'arbre. Sachant que Path of Exile sur PC, ça leur fait peut-être mal, et qu'ils se disent on n'a pas spécialement envie d'aller réinjecter des millions et des millions de dollars pour faire un Diablo 4. Et on préfère tenter le coup sur mobile, que ce sera moins d'investissement, ça coûtera moins cher, et potentiellement on chopera toutes les baleines d'Asie pour nous financer ça, quoi. Ouais, mais du coup, il se retourne contre les consommateurs historiques, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est les Occidentaux quand même, Mais le. ça, vous êtes choqués, mais enfin, Blizzard a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que Blizzard écoute les joueurs d'Hearthstone? Non. Est-ce que Blizzard écoute les joueurs de WoW? Oui, avec WoW Vanilla, mais enfin, c'est quand même pas non plus un truc incroyable. Mais est-ce qu'ils ont écouté les gens qui jouent à Overwatch? J'ai pas l'impression, Ouais, non, Vincent. non plus, non. Voilà, je veux dire, Blizzard, ils en ont rien à branler, hein, des gens. Enfin, ça a toujours été comme ça, hein. Ah, moi c'est pas moi, c'est pas le c'est pas pour le respect des gens le truc, moi c'est juste que je trouve que c'est leur licence, c'est leur licence qui ont fait que qui ont fait leur succès quoi. Moi je Yes. trouve ça, moi c'est juste ça que je dis, moi c'est, je suis Ouais. d'accord avec toi qu'ils respectent pas forcément le joueur et c'est pas ce que je dis, mais je trouve c'est dommage de se dire qu'en fait Diablo maintenant pour que en gros ils puissent quand même garder l'imagerie des personnages, l'imagerie des personnages et tout, enfin c'est réduit à un jeu mobile. Et StarCraft 2, il n'y aurait pas Kerrigan, Raynor et compagnie dans Heroes of the Storm. Je suis même pas sûr que ce serait, y aurait un panel à la BlizzCon, Ouais. quoi. Moi, c'est ce que je me suis dit sur le coup. En fait, je me dis, ils n'avaient pas forcément envie d'investir, parce que déjà, ils investissaient dans Warcraft, parce qu'ils refont Warcraft 3. Même si ça peut paraître rigolo, mais WoW Vanilla, faut quand même qu'ils mettent de l'argent dedans, et pas qu'un peu. Parce qu'ils ont quand même expliqué que, bah, ils avaient plus les codes sources, donc ils ont dû, au from scratch, réécrire le WoW Vanilla quand même. Et donc, si tu veux, ils se sont dit, OK, bah, on va pas investir là-dedans, on n'a pas peut-être pas envie d'investir autant, on va investir moins. Aujourd'hui, sur ma chute de téléphone portable, il y a un truc potentiellement à faire. Bon, StarCraft, on n'allait pas le mettre sur téléphone portable parce que c'était complètement injouable. Donc, bah, finalement, pourquoi pas Diablo, quoi. Non, mais c'est une analyse, c'est une bonne analyse, je pense que tu dois sûrement avoir raison, hein. Mais Non, mais il faut là, adopter. mais c'est un coup de poker, hein. Après, là, c'est la vision, quoi. disons que c'est la vision, là, c'est plus la vision business que la Que vision la en tant vision que joueur, joueur. quoi. Après, moi, ce que j'arrive pas juste à comprendre, c'est qu'ils prenaient Diablo 2, ils en faisaient une version NNZ, et puis ils le balançaient, c'était bon, tout le monde Mais était content, tellement, quoi, et tellement. bah ouais, en plus, ils pouvaient même faire la baise à Path of Exile dessus, donc c'est, je pense que les gens ont pas compris ça, en fait. Ouais, non, mais c'est, bah, moi je comprends pas, hein, pourquoi s'aliéner les gens qui ont construit ce que tu es aujourd'hui. Enfin, c'est bon. Ce sera une question, vous aurez 4 heures une prochaine fois. Bah, en fait, c'est parce que quand tu fais des NNZ, tu prends toujours un risque. Ouais. Quand tu refonds un jeu, je veux dire, les mecs, à mon avis, quand ils refont le remaster de Warcraft 3, je pense que chez Blizzard, ils doivent suer à grosses gouttes, hein. Ah ouais, Parce que c'est c'est sûr. quand même le jeu mythique. Imagine, ils se foirent sur leur jeu, mais ils vont se faire mais lyncher, quoi. Toujours compliqué de faire un remaster. Alors, regarde Final Fantasy VII, tous ces jeux-là où Ouais, qui a c'est vrai. vraiment touché une population, faire un remaster dessus, il faut avoir des couilles quand même. Ah Donc, oui, au mais bon. moins, partons sur un jeu mobile. Au pire, le jeu se vautre et se crash. Ils diront, bon, on n'a pas investi beaucoup, bon, le jeu n'a pas marché, ok, tant pis, c'est pas grave. On le Bah vire du store et puis c'est c'est terminé, clair quoi. que s'il marche pas, je dirais ça ne choquera absolument personne. Enfin, Voilà, tout le monde s'en foutra, en fait. ouais. Par contre, si le jeu marche, ils seront morts de rire. C'est vrai. Bon, en tout cas, on verra comment ça va se passer. On arrive à la fin de notre podcast pour ce mois de décembre, donc, hein, sur une interrogation, mais bon, laissons l'avenir nous montrer la voie, comme d'habitude. En tout cas, voilà, on termine ce podcast là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Bah, j'espère que vous suivrez les quelques-uns de nos conseils et de nos recommandations. N'hésitez pas à découvrir bah, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et puis on se retrouve eh bien au mois de janvier. Oui, c'est ça. Au mois de janvier, ce sera le premier podcast de l'année 2019. Il sera peut-être un peu en retard parce que ce sera les fêtes, tout ça. On va voir comment on va s'organiser pour le faire, mais Et que bon. je serai pas en France, Ah voilà. surtout. Déjà, il sera pas en Ah France. Voilà. Donc vous l'aurez peut-être un peu plus tard que prévu. En tout cas, on verra. Bah écoutez, merci à tous les petits amis hein, Et des petits bisous. pour avoir participé. Voilà. Et puis, et ben on vous dit au mois prochain. Salut tout le monde. Salut, et n'achetez pas la Salut. PS Mini. Ah oui, voilà, n'achetez pas la Ouais, PlayStation. c'est ça. Ah oui, N'achetez pas, ouais. Ah non, ça, c'est la grosse arnaque du siècle. non. Oh N'y allez merde, pas. putain. Allez pas. Bon, C'est ouais, salut. l'ultime Jamais, recommandation. jamais.